shower. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Banger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. L'émission métal est hardcore, puisque ce soir on a une émission un peu spéciale, comme on a eu l'occasion d'en parler tout au long de la semaine sur nos réseaux sociaux. Et oui, non pas sur notre réseau social, mais sur nos réseaux, puisque vous avez peut-être constaté que depuis une semaine, 10 jours, on a un Instagram qu'on va essayer de rendre le plus attractif et dynamique possible. Comme Facebook est en chute libre totale niveau support de communication, on s'est dit qu'on allait se moderniser, et en bon boomer que nous sommes, on déboule sur Instagram, un truc qu'on ne maîtrise que très très mal. Mais plein de choses que vous pourrez découvrir au long des semaines et jours à venir. Et pour rappel, une émission spéciale ce soir, donc déjà on est en direct dans le bocal, et on commence à 20h, et on finira, on sait pas exactement à quelle heure, et au milieu de tout ça, on va recevoir Beyond the Sticks, groupe de hardcore tourangeau. Si vous suivez un minimum l'actualité locale, vous n'êtes pas passé à côté de la sortie à venir de leur troisième effort studio. Donc voilà, on les retrouvera d'ici un bon quart d'heure. En attendant, ouverture d'émission avec une première doublette bien extrême, Malefic Throne en ouverture de cette doublette. Un nouveau All-Star Band venu de la Floride états-unienne avec ni plus ni moins qu'à la basse Monsieur Steve Tucker, accessoirement la voix de Morbid Angel, quand c'est pas l'ami David Vincent qui tient le micro. John Longstrain derrière le kit, accessoirement batteur de Hate Eternal, Origin, qui a fait des sessions chez The Infetus, Gorguts, Skinless, etc., etc. Et le guitariste Monsieur Jenny Pablukicci, ex-membre de Angel Corpse. Donc voilà, des mecs qui ont la rage dans le corps. Ils sortent là leur premier EP, Malefic Throne. On est sur du Death Blackening, un premier EP éponyme qui sort chez Headbangers Records. Et en doublette avec Malefic Throne, les Belges de Vigdod, le groupe de Black qui sort son quatrième effort studio, There Is Always Blood at the End of the Road. Ce nouvel effort, on vous en a déjà diffusé quelques extraits. On s'écoutera le morceau en français Nuage. Et en ouverture d'émission, donc Malefic Throne avec le titre A New End Upon the Blade. C'est parti et bienvenue dans l'émission. Une autre nouveauté pour attaquer la doublette suivante dans l'émission Hellbanger de ce soir, avant de retrouver la team Beyond. Ils sont arrivés, ils sont plus chauds que Jaja. Saxon, les vétérans du heavy anglais, sortent un 25e effort studio. Le terme même de cette nouvelle effort studio, c'est vraiment la résilience des icos de Saxon, tout particulièrement de leur chanteur, hein, Biff Bifford, qui tient toujours le micro depuis toutes ces années. Carpe Diem, sobrement le nom de ce nouvel effort studio de Saxon, avec une pochette, ma foi, fort soignée. Andy Snip, toujours à la prod. Ça reste du Saxon traditionnel et ça reste du coup très plaisant à écouter. Remember the Fallen, c'est le titre qu'on va s'écouter. L'album Carpe Diem sort le 4 février. Et dans la foulée, Nocturnal Graves, ce groupe qui nous vient d'Australie, qui nous fait du Blackening Trash Death d'inspiration Destroyer 666. An Outlaw Stand, c'est le nom de leur quatrième effort studio. Et on va s'en écouter l'extrait An Outlaw Stands, du coup le titre de l'album. À noter que c'est sorti sur le français Season of Mist. C'est parti. We'll be right back. Bonsoir à toutes et à tous, de nouveau au micro de Radio Béton. En fait, ça me fait super bizarre parce que j'ai changé de place pour la séquence interview de Beyond the Sticks. Du coup, j'ai l'impression qu'on recommence une émission. Du coup, machinalement et scolairement, je redis bonsoir à tout le monde. Mais c'est peut-être aussi un excès de politesse de ma part. Toujours est-il que vous êtes sur les ondes du 93.6. Vous êtes bien à l'écoute d'Elbanger, même si on a commencé une heure plus tôt ce soir. C'est dans un but bien précis. Tout simplement parce qu'on a l'opportunité de recevoir... deux cinquièmes de Beyond the Sticks dans l'émission de ce soir. C'est d'ailleurs très sympa à toi, Emile, de nous avoir ramené de la chair fraîche qui n'est encore jamais passée dans le cadre de l'émission. Et voilà, Beyond the Sticks, on en a deux. Je vous laisse, messieurs, vous présenter brièvement. Emile, tout simplement, voilà, chanteur. Et Arnaud, nouveau guitariste, la chair fraîche de l'émission. C'est parfait, c'est parfait. Donc Emile, effectivement, on l'a déjà eu sur les antennes il n'y a pas très longtemps, c'était pour parler du Winter Rip. Il a quitté son bonnet ou pas d'organisateur pour chausser son bob de chanteur de Beyond the Sticks. Bien vu. Voilà. Et ma foi, on va... Si j'arrive à retrouver... Non, je vais le faire sans comme d'habitude. Voilà, on a essayé d'être bon élève, en fait, on ne va pas l'être du tout. Beyond the Sticks s'apprête à sortir son troisième album. Alors, ce n'est pas le troisième Effort Studio, c'est le troisième album, puisqu'il y a eu un ou deux EP en cours de route. Un EP, ouais. Voilà. Et eh bien pour en arriver à ce nouvel album studio, donc déjà effectivement il y a eu un petit changement de line-up avec l'intégration de Arnaud. Alors je sais pas qui veut faire les présentations. Est-ce que tu te sens assez grand ou est-ce qu'il faut qu'on te tienne la main? Écoute, Émile, introduis le truc. Je sais que tu fais ça très bien, donc. Introduire le truc. Enfin, tu te présenteras mieux que. Enfin, je te présenterai. Ah, ça va être chiant, ça y est, les politesses. Moi, je suis Arnaud, en fait. J'ai vu une annonce passer. Enfin, pour faire l'histoire, c'est Émile qui m'a proposé de boire un verre un lundi soir à 23h. Donc, je trouvais ça hyper bizarre. Et puis, il me dit, tu connais pas des gratteux de session, toi, pour Beyond? Ben, j'ai dit, moi. Alors, pose-moi la question directe, ça aurait été plus simple. Et puis, je savais que c'était un petit challenge quand même, parce qu'au niveau guitare, bon, c'est pas ce que je fais dans mes autres projets. Mais j'ai dit, vas-y, je relève le truc. Et puis il y a eu l'annonce du départ de l'ancien guitariste de Victor, oui, c'est ça. Et donc en fait, j'ai dit bon bah je postule pour être un peu plus que guitariste de session et me voici embarqué. C'est ça. Et bien embarqué, je pense. Maintenant, bah, disons que tu avais déjà mâché une bonne partie du travail puisque tu t'étais préparé à devenir notre gratteux de session et le hasard a fait que voilà. L'opportunité a fait que. Oui. Alors tu parlais de tes autres projets parce qu'effectivement pour ceux qui suivent un peu les actualités locales, t'as un autre projet qu'on a découvert en live bah, du coup à l'occasion du Winter Rip qui m'a fort agréablement surpris parce que de base c'est pas du tout mon écurie musicale mais Disruptor. C'est ça. En fait Disruptor ça fait quelques temps quand même que ça tourne à Tours et même en France. Bien sûr on a été bloqué, on comme tout le monde voulait sortir un album. En grande pompe. En mars 2020. Il est inconscient. Voilà, non mais de toute façon, je pense que c'est moi qui ai provoqué le Covid parce que je sais pas, j'avais peur de monter sur scène, j'en sais rien, parce que je venais de rentrer dans Beyond, j'avais fait deux pauvres concerts. C'est vrai. Et j'allais sortir un album avec Disruptor qui est mon projet post-sludge, post-black, je sais pas vraiment comment le décrire. On est deux sur scène et. Et voilà, on traverse deux, trois ambiances différentes. Et puis, en fait, les gens ne nous connaissaient pas vraiment sur Tours, même si on allait dans les petits bars. Enfin, En même temps, excuse-moi de te couper, Arnaud, mais personne vous avait pu, enfin, avait pu vous voir ou même vous projeter sur une grosse scène avant de vous y voir. On avait fait, à Tours. On avait fait une grosse scène alors, en Sarthe pour l'assaut Onde Positive. Et qui va en Sarthe? Eh ben, il y avait du monde. Hein. Oui, mais c'était mais des gens du 72. Peut-être, mais ça avait pogoté. Moi, j'étais content. Mais bref, et au Winter Rip, effectivement, là, les gens ont en fait compris. On s'est dit, ah, mais c'est ça, Disruptor. Bah, enfin, on a eu des bons retours, donc ouais, au final. Parce que nous, c'était cool. une très agréable découverte. Et donc, c'était là, c'est ok. Donc, du coup, est-ce que. Enfin, nous, c'était un peu la partie interrogative ensuite. Mm-hmm. Est-ce que ce que fait Arnaud dans Disruptor, on va le retrouver d'une manière ou d'une autre dans Beyond? Et du coup, bah, c'est une question un peu ouverte, parce que moi, j'ai déjà commencé à me faire la réponse. Mais du coup, concernant la genèse de l'album, est-ce que Arnaud, arrivant à une période un peu délicate, a eu l'occasion ou pas de contribuer à partir, je sais pas, composition ou arrangement? Bah, je vais introduire et tu me corrigeras. Pour faire court, oui. Nous, on avait à l'époque trois morceaux de réellement ficelés sur 12 qu'on a écrit, même si on en a gardé que 10 au final. On en avait trois autres qui étaient bien avancés et bah, il a fallu qu'Arnaud prenne, je dirais, le train en pas de marche, quoi. Et ben, je trouve que t'as su apporter ta touche. Ça a été compliqué au début parce qu'on a des attentes assez particulières. Je pense que ça le sera. Putain, c'est génial. On serait dans un résumé de Fifty Shades of Grey. Je te laisse introduire, tu me corriges. J'ai des attentes assez improbables. C'est génial. Hein, mais vous êtes bien sur Radio Béton. Hein. Changez surtout pas. Ne changez pas. Je te dis, mais c'est que t'arrives là. T'as le David, l'autre guitariste qui est là, qui a son jeu bien établi. Il y a des choses qui sont déjà créées. Et puis toi, bah, t'es le nouveau, quoi. Et donc, du coup. Ça t'arrive, mais moi. Non, et puis il y a quelque chose qui a été un peu compliqué, Arnaud. C'est tout ce qui est du domaine du groove. Ça, c'est quelque chose qui, je dirais, c'est quelque chose qui s'expérimente. Je pense pas que ça soit vraiment quelque chose qui s'apprend, qui s'apprenne, je veux dire. C'est dans le ressenti, ouais. C'est dans le ressenti. C'est ouais, vachement dans le ressenti. Il y avait quand même une bonne base rythmique en place. Et bah, tu travailles d'ailleurs encore, mais tu as énormément travaillé. Pour pouvoir te mettre au niveau. Alors, j'ai prévenu Émile, hein, on va envoyer des fleurs, mais envoyer du plomb aussi. Hein. Oui, oui, bon, il faut. Prends les fleurs quand elles arrivent. Revenir à la question d'origine, pour moi, Arnaud, oui, apporter peut-être une touche un peu plus métal, peut-être plus métal, entre guillemets, moderne, je pense. au vu de tes influences. Mmh. Mais moi, ce que j'apprécie, c'est que tes influences évoluent et d'une certaine manière aussi sur, je pense, le prochain album de Beyond. On va pouvoir davantage tester des choses qui pourraient possiblement peut-être se rapprocher un peu plus de l'univers Disruptors, mais je dis peut-être parce que bah on sait pas de quoi l'avenir sera fait. On va peut-être avoir encore une nouvelle vague de virus d'ici là. Enfin bon. Ouais, non. Non mais voilà. C'est ça. En tout cas, c'était d'arriver aussi et de. Moi j'étais fan de Beyond et de savoir aussi. Qu'est-ce que j'aimerais bien que ce groupe joue aussi. Et donc j'avais aussi cette liberté de pouvoir proposer ces idées-là en disant j'aime bien ce groupe, j'aimerais bien les voir faire ça. Il y a vraiment bête et méchant parfois. Voilà, mais le côté bête et méchant parfois, c'est quelque chose qu'on a pu oser par moment et qui a marché. Enfin, moi, je trouve qu'il marche. Enfin, toi, t'as écouté tout l'album en entier. On va en parler tout à l'heure, effectivement, de cette partie bête et méchante qui fonctionne. Voilà, ce qui a amené l'intégration de Arnaud, ta part de travail sur ce nouvel effort. Et au niveau des anciens, qu'est-ce qui vous a... quels ont été vos... inspiration et aspiration et motivation pour mettre ce troisième album en boîte. Qu'est-ce qui vous a botté le cul ces cinq dernières années pour dire putain ouais mais je sais pas des nouvelles influences, des nouvelles références, des expériences de vie qui ont été compilées dans cet album. En termes d'influence, je dirais qu'on s'est notre regard est toujours tourné vers l'Ouest. Hein. On regarde beaucoup les États-Unis et l'Angleterre. Ça, je pense que c'est quelque chose d'assez commun au niveau du groupe. Je trouve que le hardcore, malheureusement pour ce qui se fait à l'Est, hein, d'ailleurs, on n'en retient pas grand-chose sur le plan groove. Je trouve qu'il y a certainement des choses qui se font bien, mais qui malheureusement paraissent un petit peu des ersatz de bons produits américains underground. Voilà, même si ça marche plutôt bien en Europe. Et moi, j'aime beaucoup le crossover. Voilà, des groupes comme Gulch, par exemple. Déjà défunt, mais que j'ai overkiffé pendant le confinement, même un peu avant, puisque j'ai découvert avant des ovnis comme, enfin ovni c'est peut-être un gros terme, mais End par exemple, enfin qu'on a oui. En commun, qui est un side project à la base de Will Putnet, Fit for an Autopsy, c'est pas facile à dire, voilà. Sinon, en termes d'influence, je pense à Entombed aussi. Je sais pas pourquoi, enfin moi c'est un groupe qui m'a c'est pas lié au décès hein, d'ailleurs du chanteur on a été aussi lié avec le décès du chanteur de Power Trip où là à ce moment là on a voulu aussi faire un peu de trash, enfin ça je m'en souviens. Ça faisait toujours partie un peu de licence du groupe, mais c'est bien vrai sûr, qu'il y a eu pas mal de choses, de circonstances qu'on fait quoi entre Power Trip, Entombed qu'on écoutait pas mal avec David, même si en termes d'accordage ça n'a strictement rien à voir, ça fait partie des influences en tout cas qui ont pu nous marquer. Et puis bah des rencontres live, enfin je sais pas, le dernier Ripfest, on avait joué avec Archangel où il y avait des influences beaucoup plus old school, hardcore et métallique mine de rien quand même qui nous ont marqué. Voilà, enfin moi c'est ce que je résumerais. Ouais c'est assez bien brossé par rapport à ce que j'ai pu en entendre, c'est vraiment cet ajout de N-Roll dans ce que vous proposez, et un espèce de c'est super chiant de dire un espèce de retour au old school parce que le old school a encore de belles heures et de belles années devant lui. Et du coup on va faire un premier break musical avec un extrait que je te vous laisse présenter puisque c'est le premier morceau que vous avez mis à disposition sur les réseaux avec un featuring Mouse. Donc voilà, je vous laisse présenter le titre du morceau, le morceau et brièvement le featuring. New World Disorder, du coup. En fait, il se trouve que c'est une des premières chansons qu'on a écrites. Donc Arnaud n'était pas encore arrivé dans le groupe à l'époque, mais c'est une chanson qu'on a redéfinie ensemble. Moi, j'ai toujours pensé à un featuring sur cette chanson. C'est vrai que, en toute honnêteté et transparence, j'avais pas imaginé Louis à l'origine, mais on va dire que de fil en aiguille, on est arrivé à Louis. C'est une chanson en fait tout simplement New World Disorder qui parle un petit peu principalement on va dire des flux migratoires et cette espèce de conspirationnisme qui peut tourner autour, bah de toute façon, enfin on a les deux pieds dedans. Il suffit en ce moment juste de regarder par exemple les thèmes majeurs de la présidentielle. D'allumer les chaînes d'info, non, ne faites pas ça chez vous. Voilà, c'est cette espèce de, enfin de je sais pas, de nuages nauséabonds où on tente de nous faire oublier que finalement les flux migratoires c'est la base de toute civilisation en fait, et qu'à un moment donné c'est le mélange c'est la diversité qui a permis de construire toute cité qui soit. Enfin, faut quand même pas oublier que la France est le carrefour de l'Europe et qu'on s'est pas mal mixé et que nous ne sommes pas juste des Gaulois réfractaires, nous sommes bien plus que ça. Donc, et que le carrefour de l'Europe, c'est fun de le passer en drift. Alors, pour précision, Louis, dont tu parles, c'est bien sûr la voix de Tissing qu'on voilà. a pu largement réapprécier lors du dernier Winter et qui apporte une touche de rage que tu poses déjà de base. Avec ton chant, mais ça on va en parler dans la deuxième partie de l'interview. Et voilà, Louis qui vient finir de marteler allègrement tout au long de ce morceau. C'est ça, je voulais juste dire un truc en fait. C'est, je parlais de featuring initialement pensé, c'est parce que ceux qui nous connaissent, tous les featuring jusqu'à présent qui ont eu lieu sur l'album, c'est des personnes en fait avec qui on a joué. Sauf que Tissing, en tant que programmateur du Ripfest, Je les connais, et que Louis, je le connais, mais en fait, on n'a jamais joué Beyond the Sticks avec Tissing. Après, j'ai bon espoir qu'on puisse un jour. Que l'occasion se présente. Oui, ils sont adorables en tout cas. Idéalement en Espagne. Et ailleurs, pourquoi pas aussi. Ok, New World Disorder, première illustration de l'interview de Beyond que Laurent reçoit ce soir pour la sortie de leur troisième album studio, dont on n'a même pas donné le nom d'ailleurs, qui s'intitule sobrement Sentence. Sentence. C'est mignon. C'est plutôt tendance. Allez, c'est parti. Rejected, demanding. This is the fate that awaits it of existence. A dawn of dark time. You think the grand is a chance. Voilà, avec le bruit des bottes en clôture de ce nouvel extrait. Alors du coup, voilà à quoi ça ressemble grossièrement le Beyond the Sticks nouveau. On est sur un son incroyablement massif et en même temps, chaque instrument ressort magistralement bien. Donc là, c'est la partie où on envoie des fleurs en fait. Vous avez donc un batteur. Alors là, c'est pas flagrant sur ce morceau-là. Je sais qu'on aime bien tirer à boulet rouge sur Adrien et son jeu de batterie parce qu'on aime bien le charrier là-dessus. Et cependant, il y a du blast. Alors je dirais pas sur quel morceau. Mais en fait, il y a vraiment des gros rouleaux de double. Et ça contribue du coup à alourdir le son de base. Johan, même si ça reste un membre assez discret du groupe, alors au sein du groupe, j'entends, la section rythmique est ultra balèze. Et là, on a pu l'entendre sur ce premier extrait, une coordination et je trouve un rafraîchissement au niveau des guitares. Parce qu'effectivement, comme tu disais, David, pour l'avoir pas mal pratiqué, il a sa zone de confort, son style de prédilection, quel que soit le groupe dans lequel il est. Et du coup, t'as pu quand même apporter ta touche, toi, Arnaud, sur ce morceau. Sur New World Disorder, là, c'est surtout sur les parties live et surtout répète où maintenant où on s'entraîne pour avoir faire le plus hommage au titre, c'est-à-dire au niveau des chœurs, que ce soit massif, que ce soit lourd au niveau du son. Sur la composition, non, j'ai pas vraiment apporté. J'ai fait le passage, si j'ai enregistré le passage beatdown méchant, quoi. Okay. Pour dire voilà, je pose la, j'ai fait je le pose vilain la là-dessus. Rogne okay. là-dessus. Et voilà, après sur les autres, oui, j'ai pu apporter plus. Et au niveau du chant, du coup, alors c'est mon avis bien personnel, j'apprécie cette prise de recul avec le chant vachement screamé. Et quelque chose de plus, alors c'est très paradoxal, mais de plus hurlé, vraiment viscéral, et de un peu moins aspiré. Je trouve que ça rend un global vachement plus frontal. Et il y a même des parties où t'es à deux doigts du guttural. Et les passages où tu renvoies du scream, au contraire, je trouve que ça met une patate. Et c'est pas une question de que ça soit moins linéaire. C'est juste qu'il y a une variante qui rend un global ultra vénère. Et putain, vous faites des vrais breaks. Des vrais de vrais. Genre, il y a même un morceau qu'on va s'écouter après. Il y a un double break. Et il fait pas semblant. Ouais. Bah, disons que j'ai eu une sorte de déclic. Tu me poses pas la question, mais je vais en parler. En fait, Overload, c'est un peu été cette chanson qui est arrivée avec le début du confinement où, je sais pas, je me suis dit, parce qu'il y avait des compos décrits avant. Il y en a deux qu'on a gardées sur les trois qui étaient écrites avant. Et je me suis dit, fais ce que tu as envie de faire, fais ce que tu sais faire, arrête de te brider derrière quelque chose. Si le hardcore m'a appris quelque chose, c'est sois toi-même. J'ai envie de hurler parce que clairement j'ai ça dans le bide et du coup j'y suis allé. Et peu importe, j'ai envie de dire ce qu'on pouvait en penser, de flirter avec justement du scream bien plus aigu. En plus, à l'époque, on n'avait pas forcément imaginé tout ça. On n'avait pas forcément imaginé Christian Donaldson au niveau de la production. Il y avait plusieurs noms qui étaient sortis, dont lui, mais on était sûr de rien parce que c'est une question de rencontre aussi et d'argent, on ne va pas se mentir. Et puis, situation sanitaire. Exactement, parce que là, ça va être l'occasion d'en parler. Ah ben, c'est sûr. Sur du coup la manière, donc le lieu, la manière, la durée et la personne. Qui vous a accompagné sur cet enregistrement ? Le lieu, moi je peux en parler. En fait, c'est qu'on a été sélectionné par le Loir-et-Cher, c'est ça ? Blois, c'est Loir-et-Cher ? Oui, je sais pas, j'ai vite dit traîner, mais oui, je crois que c'est. Je suis survent au bac d'histoire, je t'aiderai pas. Bon, le 41. En fait, on a été sélectionné par le dispositif propulsion du 41, puisque va savoir pourquoi le 37 ne retient quasiment jamais de projet métal. Les deux derniers, c'était Holding Send et AO. Voilà, donc on a eu cette chance-là et on a du coup le Château d'Eau nous a accompagnés et nous a permis d'avoir accès au studio Pôle Nord dans des conditions dingues et avoir un véritable studio sur une période relativement large avec un hébergement compris. Ça nous a permis aussi financièrement, parce qu'on n'est pas des fils à papa et voilà, on n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Tout simplement de se dire pourquoi est-ce qu'on n'irait pas essayer de taper à la porte d'un gros nom. Et Christian faisait partie des différents noms qui ont été un petit peu perçus. Et l'avantage, au-delà de la qualité de son travail, après je vais laisser Arnaud continuer, c'est sur le fait que bah, dans le groupe, il y en a qui sont pas anglophones. Et on va pas se mentir, est-ce qu'on était réellement prêt à passer ce pas du je vais travailler avec un 100% francophone comme David Potvin au Dôme Studio à je vais passer à un 100% anglophone avec bah, notamment, désolé Johan hein, si tu nous écoutes, mais notre bassiste qui parle pas un mot d'anglais par exemple, et nous qui maîtrisons plus tu, ou moins. Tu te débrouilles, mais t'es mais pas forcément aussi à l'aise que. Ah, et puis en question de subtilité. Faut être suffisamment à l'aise avec certaines terminologies. Et quand tu dois défendre un peu ton bout de gras. Alors, pour ceux qui connaissent pas Donaldson, parce que c'est marrant, tu parlais des regards tournés à l'ouest. Là, c'était même carrément nord-ouest, hein, ce qu'il est descendu direct du Québec. Et c'est ni plus ni moins que celui qui a notamment travaillé sur les albums de Cryptopsy en termes de Brutal Death, Get the Shot pour le hardcore crossover et les vétérans du deathcore Despised Icon. Donc voilà un petit peu le pedigree du personnage. Et qui vous a accompagné d'autres, hein, oui. Shadows of Intent. Mais ça j'aime pas. Oui. Ingested. Voilà. Enfin. Mais ça j'aime plus. C'était mieux avant. Vulvodynia. Désolé Christian, ça, c'est nous pareil. Entends. C'était mieux avant. Voilà qui vous a donc accompagné l'été dernier. C'est parce ça. Que c'est somme toute l'enregistrement est assez frais. Ouais, c'est assez frais. Et puis l'accompagnement de Christian était drôlement frais. Moi personnellement, j'ai toujours mal vécu le studio et je vais laisser vraiment Arnaud prendre la suite derrière, mais Christian il a au-delà de son expérience, moi il a eu un savoir-faire, une pédagogie, une capacité de déjà de me pousser au-delà de mes au-delà de ma zone de confort avec des attentes très particulières sur le plan anglophonie, et ça c'était très appréciable de sa part, mais surtout il arrive à nous détendre pour tirer le meilleur de nous-mêmes. Et personnellement, ben, un entraîneur comme ça, j'en ai jamais connu par le passé. C'est ça, c'est surtout, enfin, il arrive avec une méthode de travail vraiment, enfin, dans la détente. J'ai eu l'impression que rien n'était vraiment difficile en fait, même s'il était vraiment d'une rigueur incroyable et, enfin, à écouter chaque accord pour savoir si chaque accord de guitare était parfaitement accordé. Il y avait pas de faute, pas d'erreur. C'était vraiment, il était à poser ses mains sur le manche tout le temps pour qu'il n'y ait pas un bruit de glissement entre les cordes. Et tout ça, vraiment, avec une bonne humeur, mais avec un professionnalisme. Mais j'ai jamais vu ça. Et en fait, ça a rendu la chose facile. On était toujours détendus. Et c'était. Je pense que les gars, avec David et Yo, au niveau des cordes, on savait qu'on avait quelqu'un qui maîtrisait, parce que c'est aussi le guitariste de Cryptopsy, donc c'est-à-dire que t'arrives à côté toi avec ta guitare, ouais, t'es petit, t'es un clown, je suis pas grand, alors il joue un riff sur lequel toi t'as à peu près mis, je sais pas, je vais dire 2 semaines à maîtriser, lui il arrivait, il comprenait le truc et il apprenait en fait les silences de nos riffs. Donc on le voyait comme calculer un ordinateur, tu aurais pu entendre le bruit là, des connexions internet d'avant. Et puis il attendait, puis c'est vas-y joue. Et là il arrivait, il posait les mains dessus, il faisait vas-y, il tournait les clés pendant qu'on jouait sur certains accords. On a pas mal d'accords renversés aussi sur cet album. Il a une oreille vraiment déconcertante. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il s'est adapté à la volonté du groupe, à savoir que Adrien, tout comme Get the Shot, souhaitait pouvoir enregistrer sur batterie acoustique, ouais. Voilà, ah oui. Et pas en numérique. Et ça, il s'est complètement adapté sur un studio qui n'est pas le sien. Et puis au-delà, je dirais, de son oreille de dingue, il avait la capacité à dire, je sais pas, on finissait de manger peut-être sur les coups de 21h, 21h30, et puis je fais, putain, j'ai une idée, Christian, allez, on y va. Et ça, c'était assez fou de pouvoir pousser une gueulante à 22h30 alors que mes prises, elles étaient pas du tout fixées sur ces horaires-là. Bon, on a eu le temps de tester plein de choses, genre des branchements de guitare qui ont duré une heure juste pour le bruit sur certains morceaux, faut le savoir. Et c'est quelqu'un de très agréable et qui a tout de suite compris, je pense, même au-delà de son prisme de métal technique, il a compris ce qu'on faisait. Il a voulu apporter, je pense, aussi son expertise de guitaristique. Il voulait un gros son saillant et tout avec l'esprit qu'on voulait, quoi. Ouais. Sans dénaturer. On va en envoyer du saillant et du veineux avec ce que je pensais être une exclue ce soir. Et vous m'avez coupé l'herbe sous le pied avec la sortie du troisième morceau, Collatéral. Ah, tu l'avais choisi. Ouais. Et c'est un des morceaux que je préfère. Français. Ouais, mais alors, attends. Le prochain va vous surprendre. Enfin, pas celui d'après, mais celui d'après après. Je lis ça sur internet. Collatéral, c'est exactement l'exemple dont je parlais avec ce fameux double break à l'intérieur. Et il est ultra vénère, ce titre. Donc on en reparlera très brièvement juste après, et on reparlera encore de l'enregistrement de l'album. Donc Collateral, extrait de Sentence, ce nouvel effort studio que Beyond the Stick s'apprête à démouler la semaine prochaine. Voilà, Collateral qui a été mon premier coup de cœur sur l'album. En même temps, c'est la deuxième piste. Et voilà, comme on disait en antenne, le premier morceau qui pose une ambiance vachement sombre, qui est accrocheur. Et là, on prend un parpaing dans les gencives avec ce titre Collateral que vous venez juste donc de sortir, qui est sorti vendredi, accompagné d'un clip ultra sombre avec comment dire une chute dont on peut prévoir plus ou moins l'arrivée, et en fait qui est encore plus vénère que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Encore une fois, je fais part de mon expérience personnelle. Et contraint par le lieu où j'étais, je l'ai d'abord visualisé et après j'ai fait son et image. Et ce clip est vraiment super cool. Bah merci. Et puis merci encore à Sébastien, à Bastoun qui nous a accompagnés sur ce clip. Bon, voilà, lui il a eu la compo. Moi personnellement, j'avais pas du tout imaginé le scénario. Il a tout scénarisé. Moi, j'avais pas du tout imaginé ça là-dessus. Mais je trouve que finalement, ce qui a été écrit et réalisé correspond assez bien finalement à ce qu'on traverse. Ouais, parce que le scénario, il est vraiment super chouette. Et même au niveau technique vidéo pure, les prises de vue, tout ça, c'est c'est vraiment très très chouette. Passer de, bon, je vais pas trop en dire. Vraiment, le but du jeu, c'est d'aller le voir par vous-même. Mais passer d'un univers visuel à un autre, intérieur, extérieur, etc., c'est vraiment... En fait, le fait de l'avoir regardé avant de le regarder et de l'écouter, ça donne un aperçu vraiment différent. Et c'est vraiment le petit court-métrage hyper immersif, et quand on se le refait avec le son dessus, c'est encore plus méchant en fait. Qu'est-ce qu'on peut dire après sur l'enregistrement de cet album? Déjà, vous avez réussi à tenir les délais. Humainement, ça a été comment? Parce que du coup, vous disiez que là, vous aviez eu un accompagnement qui vous a poussé, mais comment vous vous sentez 6 mois après en être sorti du studio? Moi, je trouve qu'humainement, je pense que ça s'est bien passé pour la plupart des gars. Ce qui a été frustrant, c'est que David, de par ses obligations professionnelles, n'a pas pu participer à l'intégralité de l'enregistrement. Moi, c'est une de mes seules frustrations, je dirais. Et la deuxième, c'était que quand on est chanteur, on est toujours le dernier à passer et on n'est pas dans le même mood que les autres. C'est-à-dire qu'on voit tout le monde soulagé, stressé pendant 2 semaines, hein. Festif. Nous, on a le frein à main à moitié tiré parce que on peut pas faire trop la fiesta durant toute la partie d'enregistrement parce qu'on sait que derrière il faut assurer. Et à côté de ça, il faut aussi être présent pour les compères. Pour avoir une deuxième oreille, pour pouvoir soutenir, pour pouvoir faire la popote, pour pouvoir faire le ménage, parce que c'est des choses dont on parle pas, mais c'est une réalité aussi. Oui, c'est une résidence, c'est un partage de vie collectif. Hein, exactement. C'est normal. Okay. Tu te consacres à 100% au truc. Mais c'est vrai que, moi j'aurais apprécié pouvoir plutôt commencer mes pressions en étant moins stressé que ce que j'ai été, mais je pense que j'ai fini mes pressions en étant nettement moins stressé que ce que j'ai commencé. Et ça, c'était drôlement apprécié. J'espère que vous avez suivi, parce que moi, pas. Non, mais Christian aussi, il est arrivé. Il a dit, de son plus bel accent québécois, il fait, moi, je veux que votre truc il pète aux États-Unis, donc je veux qu'on comprenne ce que des emails. Donc, je vais le faire chier là-dessus. Oh là là. Et effectivement, il a repris sur plein de choses. Et effectivement, mais ça a donné aussi... déjà qu'Emile est arrivé avec une nouvelle... J'ai envie de dire nouvelle technique de chant. En fait, c'est mon ancienne technique. C'est son ancienne technique, mais poussée où là, il y avait la volonté aussi. T'as mangé du tigre, il me disait tout le temps. T'as mangé du tigre. C'est ça, et en même temps, ça a poussé. Et au final, t'avais pas de difficulté à refaire des prises dans non, le. Mais moi, de ça me voix, stressait. Ça me stressait parce que quand t'as quelqu'un qui te demande de refaire 5 fois, 6 fois et 7 fois. Une prise, disons que c'est stressant quand même, parce qu'à un moment donné... Tu dis, au bout d'un moment, est-ce que je vais pouvoir la passer ou est-ce qu'on va, pas, on va dormir dessus pendant 3 jours? C'est ouais, ça. Ouais. Mais je lui ai dit, et il comprenait quand même, qu'on était genre au premier couplet, je fais, attends Christian, c'est que j'ai 4 autres couplets derrière à enchaîner. Je fais, ok, mais s'il faut, on reviendra. Mais c'était appréciable, c'était drôlement appréciable. Même s'il m'a fait chier pour l'addiction quand même. Ah, mais lui, il a la double oreille, hein, et américaine et francophone. Il me disait que je chantais comme un anglais, quoi. Mais nous, l'anglais, on l'apprend avec des profs qui vont en Angleterre. Enfin, c'est... Ouais. Et lui, il a vraiment une oreille américaine. Donc, du quotidien. Ouais. Ouais. Du coup, troisième titre pour ce soir. Donc celui-là, vous nous l'avez proposé. Overload, agrémenté également d'un clip. C'est pas le titre le plus sombre de l'album, et parce que je trouve qu'il y en a un qui est c'est devenu du coup mon préféré après que vous ayez balancé Collatéral. Celui-là on se le garde pour les prochaines diffusions, on va pas se l'écouter ce soir. Collatéral, donc pas Collatéral, n'importe quoi. Overload, t'en parlais, il est très personnel celui-là. Ouais, c'est, je pense que ça a été le déclic en fait. Je sais pas comment expliquer ça. On s'est retrouvé confinés c'est juste avant le confinement où vraiment on sentait que la merde nous montait au nez. Et je me revois devant mon écran d'ordinateur en train d'écrire la chanson lâche les chevaux, quoi. Vas-y comme tu veux y aller. Et toutes les autres chansons qu'on suivit en termes d'enregistrement et d'écriture, je suis resté un petit peu sur cette vague plus haineuse et peut-être aigu au niveau de ma voix, où je cherchais peut-être moins à me poser des questions. Elle est un peu plus viscérale, celle-là. C'est pas la plus sombre à mon oreille et à mon ressenti de l'album, mais c'est une des plus viscérales en termes d'intensité. Overload, donc troisième extrait de Sentence, l'album de Beyond the Sticks qui sort dans quelques jours. I'm on the brink of... I'm on the brink. Donc